À l'occasion du mois de lutte commune anti-américaine du 25 juin au 27 juillet, le Parti socialiste national uni du Népal a adopté le 8 courant une résolution. Le texte note : les États-Unis et leurs suivistes ont incité le Conseil de sécurité de l'ONU à adopter sans cesse les résolutions de sanctions injustes au but de supprimer la République populaire démocratique de Corée. Ces résolutions doivent être retirées immédiatement. Les pays intéressés doivent s'efforcer pour atténuer la tension dans la péninsule coréenne par voie pacifique.